va pas s'en sortir là si vous commencez, parce que franchement lui il comprend rien avec son portable. Oui, c'est vrai. Écoutez ce qui se passe. Quoi, je comprends rien avec mon portable là. Tu veux dire quoi toi? Ça veut dire qu'un 4 avec des portables, c'est pas évident, et tu le sais dans des débats, donc laisse-moi gérer aussi. Alors, bon, non, sans commentaire, je vous assure, sinon je vais pas y arriver, je vais être obligé de mettre tout le monde en attente. Gérard. Alors vas-y, pose ta question, toi. Bah, t'écoutais la radio ou pas? Bon, j'écoutais, parce que là, j'avais préparé un faire dodo, moi. Bon, Nicolas, il a 20 ans, il est du Mans, il est routier, il est éjaculateur précoce, et sa nana veut pas, elle dit que ça lui suffit comme ça, ça dure 2 secondes quand il lime, et il voudrait faire des cunis, elle veut pas. Quels sont les conseils que tu peux lui donner? Bah, si elle veut pas, de manière, pour pas, comme l'auditrice, là, que t'as eue, qui m'a donné des bons conseils. Adeline. Merci, c'est gentil. De manière, si elle n'est pas d'accord, qu'il n'insiste pas, ça sert à rien. Parce que c'est pas en insistant sur un nana à lui faire des cunnilingus qu'il arriverait à quelque chose. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, si veut faire quelque chose, eh ben, qu'il s'arrête sur... Nicolas, t'es là? Ouais. Vas-y, bon, tu fais quoi comme route, toi? Ah, moi, je fais de tout, moi, je suis... Attends, Nicolas. Quoi? Je te parle sérieusement. Non, mais quel est le rapport entre la route et son problème sexuel? Où est le problème? Où est le rapprochement, là, Gérard? Non, mais attends. Parce que si sa nana veut pas... Bon, est-ce qu'il rentre tous les soirs chez lui ou pas, déjà? Je pars à la semaine, moi. Allô? Oui, je parle de la National. Oh putain, mais t'as un portable pourri, toi. Hein. Il fait du national. Non, bon, on va mettre de la bonne volonté parce qu'il nous reste 4 minutes. Du national, il fait du national. Voilà. Bon. Voilà. Donc, t'as l'habitude de côtoyer du monde sur la route? Bah oui, quand même. Ah, bah, t'as non, non, je suis cabré, je reste tout seul dans mon camion, je m'appelle Léon. Non, bah oui. Mais c'est quoi le rapport? C'est quel rapport, Gérard? Non mais attends, parce que là, si ta nana veut pas, venir c'est toi qui a quelque chose derrière. Mais non, mais elle veut bien avoir des relations sexuelles, sauf comme il est éjaculateur précoce, ça dure pas longtemps, mais sa nana, pour l'instant, comme elle est jeune, elle a pas beaucoup d'expérience sexuelle, elle veut pas lui faire de pipe, et elle veut pas avoir de cunnilingus. Ouais, mais attends, dans ce cas-là, elle a quel âge, la nana? 20 ans. Combien? 20. 20. Donc, vous avez le même âge tous les deux, à peu près. C'est pas con, là. Le cerveau commence à se mettre en route. C'est parti, attention, mon kiki, attention. Il demande tous les chiffres, il est en train de faire un loto, là. Non, mais Gérard, tu nous donnes des renseignements à la con. Je pensais que t'allais aider, quand même. Il est routier, t'es routier, je pensais que t'allais l'aider. Non, mais attends, lui, il peut pas essayer de voir pourquoi tu veux pas, Comment ça se passe pour toi? Ça va vite ou tu prends ton temps? Non mais moi de manière moi avec Sandy ça passera bien, j'ai jamais eu de problème. Et elle te fait tout? Bah oui. Ah bah ça va alors. Bah oui, elle aime la sodomie, tu te rappelles pas? Oh. Bon Nicolas, tu fermes ta gueule ou sinon tes conseils tes 40. Oh bah vu la gueule de tes conseils. Pour l'instant on peut pas dire Gérard que tu lui as donné de vrais conseils, tu lui as rien demandé, tu lui as demandé s'il était routier. Dans ce cas-là, si Sandy adore la sodomie, dans ce cas-là c'est pas un vrai routier, d'accord? Oh là là, mais si c'est un vrai routier, Gérard. Entre le siège et le volant. Non, non, mais t'es où? T'es garé, là, parce que comme on t'appelle sur un portable, on n'a pas le droit de téléphoner en conduisant. Ouais. T'es garé où, exactement? Eh ben, entre siège et volant, c'est ce que je te dis. Non, non, mais tu t'es arrêté où? Mais tu connais pas, t'es un trop petit routier, t'as pas connaître cet endroit. Gérard, qu'est-ce que ça va changer de savoir où est-ce qu'il est? C'est un vrai routier, on lui avait demandé. Non, pour moi, c'est du pipeau. Non, mais c'est toi. Oh là là, t'es un bidon. C'est un bidon, Gérard, t'es un bidon une fois de plus. Quel bidon, ce mec-là, alors. C'est clair, hein. C'est vrai que t'es un bidon, Gérard, t'es même pas capable de donner un conseil. Mais on s'en branle, putain, mais on te demande pas ça, il a un problème de sexuel et toi tu lui demandes s'il est routier ou est-ce qu'il est garé. Un problème sexuel, pourquoi tu m'appelles moi? Parce que t'es un routier, t'es éjaculateur précoce, et que voilà, avec ta nana, elle aime bien se faire bourrer le cul, et que c'était pour ça que je t'appelais, pour avoir des conseils, mais c'était pas capable. C'est pas parce que Sandy, elle aime bien se faire bourrer le cul par n'importe qui, comme tu veux dire à l'antenne. Ok, alors salut. Ah, mais il est grave, ce mec, putain. Il est trop teubé. Il est trop teubé, hein, c'est clair. Ah là là, la bruit. Quel est le rapport entre l'éjaculation précoce et savoir si t'es un vrai routier ou t'es garé pour savoir, pour justifier que t'as... Ah ouais, non, mais c'est la folie, franchement, je vois pas le rapport. Moi, j'ai connu un routier qui était nickel, hein. Bon. Il allait doucement et tout, ça a rien à voir, un routier. Bon. Ah ouais, ouais, non, alors, c'est Adeline, clair. Nicolas et Nicolas, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette radio libre, hein. Ok, pas de problème. Si on a le temps d'avoir cadeau, sinon on met ça demain, 21h, on ouvrira avec, hein. Parce qu'on va continuer là-dessus. Si vous avez encore envie de réagir sur l'éjaculation précoce, n'hésitez pas, vous appelez le 0803-085000, on revient juste après ça. Max, le soir. Max, le soir. Toutes les 21h sur Fun Radio. La libre antenne de toute une génération. Sur Fun Radio. Et c'est carrément la radio libre, hein, ce soir, comme d'ailleurs tous les soirs du lundi au vendredi. Sachez que nous sommes là demain de retour. Nous reprenons, bien entendu, du service le vendredi soir entre 21h et minuit. Dites-le tout autour de vous. On était avec le problème de Nicolas qui est routier, qui est éjaculateur précoce. Nicolas de Gap est toujours avec nous. Ouais, ben. Adeline également de Montpellier. Toujours. Et nous avons donc la copine de Gérard qui, à mon avis, pourra beaucoup plus facilement répondre à cette question et d'une manière beaucoup plus intelligente. Sandy. Allô ? Contente de t'avoir, Sandy. Oui, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir, ça va. Bonsoir aux auditeurs. Il dort le putois ? Hein ? Il dort le putois ? Non, non, il s'énerve contre moi-même parce qu'en fait, il voulait écouter la conversation, quoi. Ouais, d'accord. Donc il s'énerve un peu sur Wakeman, je sais pas comment ça marche. Ouais. Alors, deux minutes, je vais les mettre en marche. Non, non, mais laisse, on s'en fout. Alors, Sandy, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à Nicolas, qui est donc routier comme ton mec? Ouais, non, pas... Comme ton mec, hein, qui a été routier, et qui est donc éjaculateur précoce. Toi, est-ce que Gérard est éjaculateur précoce? Non. Non. Déjà, lui, quand ça sort, bah, ça sort tout de suite, hein. Ouais. Il y a pas de problème. Hein. Non, mais... mais pour ton problème, moi je pense qu'il faudrait d'abord lui faire d'abord les préliminaires. Tu vois, tu commences par la caresser partout, l'embrasser tendrement. Et puis, bah, c'est ce que je fais, ça. Je fais à chaque fois, tout et le temps. De toute façon, tu vois bien si par exemple elle a du... Si elle a du plaisir et tout, hein, quand tu la caresses. Ah oui, bah ça se voit, et puis oui. Oui, donc déjà là, ce que tu peux faire, bah, c'est continuer à la caresser, à l'embrasser tendrement, et puis tout ça. Et après, tu peux, tu fais ce que t'as à faire, quoi. Tu fais les choses calmement, sans t'énerver et tout. Et puis après, bah, je pense que ça viendra vite, hein. Le problème, c'est ça, c'est que ça vient trop vite. C'est ça le problème. Ah, ça vient trop vite. Bah oui. Et non, le problème qu'il a, c'est qu'il est éjaculateur précoce. C'est-à-dire qu'il met une fois son zizi dans la foufoune, il ressort, il remet, et hop, ça éjacule déjà. Ah, d'accord. Donc, c'est le contraire, en fin de compte. Ah oui, je croyais que c'était autre chose. Ah, je ne savais pas ce que ça voulait dire, d'accord, ok. Non, mais là, je suis en train de me mélanger avec les gens, là. D'accord, ok. Depuis le début. Alors, donc, qu'est-ce que tu peux lui conseiller? Qu'est-ce que tu ferais à sa place? Bah, moi, ce que je lui conseillerais, c'est d'y aller doucement et prendre son temps, de pas... tout de suite faire l'aller-retour et puis ça y est ça sort, hein. Mais il est rien. Ah oui, d'accord. Bah ouais, il se met dedans, il attend un petit quart d'heure, il ressort et on met un petit... Non, il fait que des allées. Ouais. Non, mais tu fais d'abord des caresses, il y a plein de choses à faire avant de d'éjaculer. Ouais, mais c'est dès qu'il s'y met. Mais c'est dès que je rentre, en fait, c'est ça le problème. Est-ce que t'as déjà essayé une fois de la prendre de force? Pas la violer non plus, mais il y a les... Attends, Sandy, qu'est-ce que tu dis? Bah moi, en tout cas, c'est le conseil que je peux te donner, c'est vas-y doucement, vas-y pas, vite fait, ça y est, j'ai tiré ma crampe et tout, hein. Ah non, mais de toute façon, j'ai jamais dit ça de ma copine, déjà, et j'y vais toujours doucement. Tu lui lèches les seins et tout ça? Ouais, bah oui, je lui fais le tour des tétons et tout, déclarer vos nombrils. Et est-ce que t'as essayé de mettre, tu vois, la crème chantilly, tout ça, peut-être que ça ajoute? Gâteau, du fromage, des yaourts. Ouais, du cassoulet aussi, de la choucroute. Et pas qu'il y a des mecs qui mettent du yaourt? Ouais. Ah, mais c'est acide. Ça fait mal. Personnellement, je connais pas, mais peut-être que ça se fait, hein. Ouais, des ça mecs, peut être de la moutarde. Allez, et alors, donc... Non, mais sérieusement... Avant que vous passiez à l'acte tous les deux, est-ce que vous mettez... Enfin, est-ce que ta copine, elle met des genres de string ou, tu vois, des trucs assez sexy sur elle? Non. C'est encore plus vite, hein. C'est peut-être pour ça aussi, t'es trop excité, et comme t'es excité, bah, ça vient... Ouais, demande-lui de lui acheter des trucs, des petits bateaux, des trucs tout cons, là. Ouais, bah oui, mais... Non, non, c'est des tenues soft, quoi, en fait. Hein. C'est pas violent, c'est pas de la dentelle rouge. Enfin bon, c'est soft, hein, quoi. Ouais, c'est, ouais. Des culottes de grand-mère en coton blanc, quoi. Non, c'est pas ça non plus. Sinon, éventuellement, ce que tu pourrais faire, c'est essayer de lui demander de faire un striptease devant toi. Ah, mais là, il va mettre... Ah, bah, là, c'est pas la peine, là. Là, c'est pas la peine, là, j'expose le calbut et puis je repas toute la chambre, hein. Bah, je sais pas, moi, c'est des conseils que je peux te conseiller, parce que, tu sais, moi, quelqu'un qui est éjaculateur précoce, je ne connais pas trop, donc... Je peux pas trop dire qui sait comment ça se passe et tout. Hein. Mmh. Ça dure combien de temps chez toi, à peu près, en moyenne? Avec Gérard, ça se passe comment? Bah, Gérard, ça se passe très très bien. Lui, ça va trop vite, donc... Bah, c'est pareil, alors c'est ça, en fait. Ouais, c'est pareil, je prends mon pied, j'ai du plaisir tout de suite. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Hein. D'accord, mais lui, d'accord, mais il aime bien, quoi, il t'envoie. Ouais, bah ça, il n'y a pas de problème. Hein. T'as chronométré avec GG, c'est le pied, quoi. Hein. C'est vrai? Ouais. Tu t'éclates? Bah oui, je m'éclate. Sérieusement. Et il balance pas mal, non? Non, on pourrait pas dire ça, mais bon, c'est déjà bien quand même. Ah ouais, mais t'as beau en avoir encore un peu plus. Bah oui. Ouais. Il fait ça plusieurs fois dans la soirée ou pas? Bah là en ce moment c'est calme plat, donc là comme on puisse son travail et tout, on n'a pas trop le temps de... Aussi on se fait des bisous quoi, des petits câlins et tout, mais... Attends, pendant l'émission là, vous avez même pas le temps de faire l'amour? Bah non, parce que demain il se lève à 7h. Et alors tous les couples ils se lèvent le matin à 7h, ils font l'amour? Bah ouais, mais moi après je suis fatiguée. Hein. Eh ben ça casse, ça fait du bien. Puis après bon, j'ai qu'une envie, c'est de dormir tout de suite. Alors, ah ouais, après l'amour? Ouais. Ah ouais. Donc moi c'est mon dodo et tout, je me rhabille et tout. Ça fait combien de temps que t'as pas qui t'a paniqué? Oh, une bonne petite semaine quand même. Hein. Ah ouais, ça te manque? Ouais, ça me manque. Ouais. C'est vrai. Regarde-le dans les yeux là, Gérard, dis-lui ce soir. Ouais, j'ai fait un petit câlin ce soir. Non, pas un petit câlin, c'est pour te faire un truc plus violent, un truc plus sexe. Non, bah il montre le doigt donc il a pas envie alors. Qu'est-ce qu'il dit? Il montre son doigt, c'est qu'il a pas envie. Est-ce que tu as déjà mis un doigt dans le cul pour l'exciter? Ah, ça, c'est des choses... Ouais, je sais, mais bon, on est entre nous. Attends, moi, j'ai déjà fait, allez. Toi aussi? Non, il veut pas que je le dise, GG. Ah, putain, et tu lui as déjà mis un doigt dans le cul? Hein? Tu lui as déjà mis un doigt dans le cul? Bah, je sais pas, il veut pas que je le dise. Non, bah, c'est évident, si tu veux pas le dire, ça veut dire qu'il l'a fait, quoi, c'est sûr. Et lui, il te caresse un petit peu, t'as déjà mis... Ouais. Non, ne me dis pas qu'il t'a léché un petit peu les fesses et tout ça? Tu veux répondre, GG, non? Non, il veut pas. Non, mais il est incapable de répondre, il est pas assez intelligent pour pouvoir répondre à des questions. Alors. D'ailleurs, c'est simple, le 14, il compte pas sur moi, je dors. Ah. Ouais, mais de toute façon, tu passes ton temps à dormir. Ouais, bah, c'est ça. T'as raison. Feignant. T'as raison, à 6h du matin, je suis debout, moi, le 14, connard. Feignant. Ouais, t'as raison. Regarde-moi ce feignasse, ça a rien branlé pendant 5 ans, c'est un chômeur professionnel. Ouais, c'est ça. Ça vend 2-3 yaourts et ça se permet de se la péter. Ah, mais en ce moment, il est pas au yaourt, donc il peut pas trop s'occuper des yaourts. Eh ben, tous les auditeurs, vous savez où il est, allez le voir demain. Ouais, ça arrive qu'ils viennent. Eh ben, ils vont venir. Allez-y, venez. Moi, je mets de la pub pour toi, on va voir si t'auras des auditeurs. Mais il y en aura des auditeurs. Ouais, c'est ça. Il est très très énervé. Mais hein. Pourquoi t'es énervé, Gérard? Pourquoi t'es énervé, GG? Toi, tout le monde discute avec toi et tout. Moi, je discute calmement. Mais évidemment, il a même pas compris ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Il s'est énervé pour une chose que j'avais même pas dit parce qu'il a mal compris ce que j'ai dit. Bah ouais, c'est sûr. Bah, c'est ça le problème de Gérard. Ouais. Moi, tu as mis un dos dans le cul ou pas? Alors ça, Gérard, pour venir demander un petit billet de 100 francs et des tickets restaurants, ça, il est là. Mais pour venir de temps en temps nous voir, ça, pour m'appeler, me demander de venir et Max, bon, on est dans la merde, on n'a pas de quoi bouffer, est-ce que tu pourrais avoir des tickets à restaurer de l'argent, ça t'es là, hein? Non, t'as remarqué, Max, ça fait quand même un petit moment que je suis pas venu, hein. Non, mais toi, oui, mais lui, il vient tout le temps, lui. Il appelle même pas pour avoir des nouvelles, comme ça, genre, ça va, vous allez bien aujourd'hui? Il appelle quand il a besoin d'argent, ouais. Quand il a des problèmes et qu'il faut l'aider. Mais par contre, juste pour nous passer un petit coucou, il se dit que tout va bien, cet enfoiré, rien du tout. Hein? Ouais. Ça, pour se faire, hein? Il est très énervé en plus. Bah ouais, mais bon, et quand même, il est bien gentil, mais il donne jamais de nouvelles. Bah oui, c'est sûr. Hein. Bon, sinon alors l'amour, comment ça se passe avec lui? Bah l'amour, ça va, hein. Ça va, y a pas de problème. Bon, on roucoule comme deux amoureux, comme toi et ta copine Max, et puis comme tout le monde, quoi. C'est Donc, ça fait déjà presque trois ans que ça dure. Ouais, génial. Et alors, moi, il y a un truc que je voulais savoir par rapport à Gérard. Du fait qu'il ne se lave pas le matin, qu'il transpire toute la journée, que le soir, il est crevé, qu'il n'a pas envie de prendre une douche, quand vous faites l'amour après, donc il doit vraiment se sentir très très bon, mais t'es pas déchiré après, hein, t'as pas la tête qui tourne. Non, j'ai pas la tête qui tourne, non. Non. Non, mais dans un sens, il a raison, Max. Mais attends, Gérard, quand tu travailles... Moi, dans ton cas, tu m'attends au soir. Ah ouais, donc tu transpires, c'est pas de notre... Tu travailles, t'as de la transpire. À chaque fois, dès qu'elle est, tu passes sur l'antenne, ça y est, c'est Gérard. En attendant, Gérard, nanana, la transpiration, nanana, ok, c'est la tête est pétée. Non, mais moi, je veux dire, moi aussi, je transpire quand je travaille beaucoup, et puis, c'est, moi, je me change, bon, je vais prendre une douche, et puis tout, quoi. Mais je mens pas, je dis vraiment que c'est... Mais évidemment, mais moi aussi, je transpire pendant l'émission, bien sûr. Je crois pas pourquoi il s'énerve, Gérard. De ce côté-là, bon, y a pas de problème. Ça m'énerve comment on peut s'engueuler tous les deux alors qu'on était deux super potes et qu'on a toujours été derrière. Ben ouais. Il y a certains trucs qu'il faut pas dire à l'antenne. Alors, Gérard, je m'excuse, tu vois, publiquement, prends le téléphone et qu'on discute tous les deux. Non. Allez, merde, c'est Max, quoi, putain. Avec tous les services que je t'ai rendus, merde. Putain, mais on va pas... Attends, c'est pas possible. Demain, si tu veux... Non, mais deux minutes, là, qu'on s'excuse. Allez, fais pas... Non, mais là, t'es dégueulasse. Allez, prends le téléphone deux minutes. Bah, pourquoi? Non. Allez, sois cool. Non. Là, t'es dégueulasse, quand même. Putain, c'est celui qui t'a sauvé de la merde et qui te filait du fric, là. T'étais bien content de me trouver. Non, mais t'as pas besoin de dire ça, l'antenne. Bah, je suis désolé, mais tant, tu... Non, mais même, tu l'as balancé depuis lundi, donc maintenant, je m'excuserai pas ce soir. Non, mais moi... Si tu veux t'excuser, maintenant, il est trop tard. Parce que maintenant, tout le monde nous a reconnus. Mais non. Oui. Mais comment ça, tout le monde nous a reconnus? Tout le monde sait qu'on est Gérard et Sandy, et puis Max, je comprends pas. Ben, il se manière à Paris. Ah, mais pas... Tout le monde le sait. Bah, vas-y, bah, tu balances tout à l'antenne. Bah, ouais, bravo. Qui sait qui a été le balancé? C'est pas moi. C'est fesses de babouin. Et quel est le connard de... C'est fesses de babouin qui a tout dit. Ouais. Tu sais... Ah bah tiens, à propos de fesses de babouin, il a arrêté ses conneries, tiens, c'est... Ah bah voilà, tu vois comme quoi j'ai remonté... Ouais, comme quoi ça porte ses fruits. Bah évidemment, mais évidemment, mais on fait tout pour que vous puissiez avoir une vie heureuse. Ouais, bah pas pour l'instant, parce que ça recommence. De quoi ça recommence? Ah, les affiches et tout ça? Non, mais à Paris. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Paris 10? Moi, je sais pas, je suis même pas au courant, donc je découvre en même temps qu'il y avait... L'auditeur, quand je passe, quand t'es occupé, que je dois vous ramener des trucs. Ouais. Je dis pardon. Ah, attention, s'il vous plaît. Pourquoi il dit... Ah bon? Ça va pas. Et pourquoi il dit s'il vous plaît? Tu t'as jamais dit cette expression s'il vous plaît, je comprends pas. Non, mais je demande s'il vous plaît le passage. Ah, d'accord, et c'est pour ça que tu gueules, et puis ils te reconnaissent. Bah oui. Donc ils disent que ça y est, c'est Gérard qui arrive et tout. Voilà. Bah parce que parce que t'es connu, c'est comme moi dans la rue, quand je vais acheter des disques dans les magasins de disques, on me reconnaît, et puis c'est tout. Même moi, pourtant c'était pas marqué sur mon front, et même à Paris 10, là, enfin, comme il a dit le nom, bon, bah tout le monde le sait maintenant. Hein. Et puis, ils ont dit, ah, t'es Sandy et tout. C'est bon. Donc, hein? Ouais, non. Et bon, bah alors. C'est le voleur qui a dit que c'était bonne, là. Je viens de le zapper, c'est un auditeur. Alors, Gérard. Ouais. Allez, sois cool, c'est Max, il n'y a plus que moi. Allez, vas-y, passe-moi le. Franchement, t'as plus que lui, hein. Moi, je te dis, franchement, tu devrais. Sans déconner, tu m'écoutes tous les soirs par respect, quand même, sans déconner, avec tout ce qu'on a fait ensemble, c'est trop facile. Non, mais moi, je te dis une chose, dès qu'hier, je t'ai écouté jusqu'à. Je sais pas quelle heure, et ce matin, j'ai eu du mal à me lever. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, t'as écouté jusqu'au bout? Ouais. Ah, c'est sympa, hier, hein. C'est avec qui? Avec Dubosc? Non, c'est quoi, hier? Je sais pas. Le massage, exactement. Ah, le massage, t'es sympa, ça, hein? Ouais, non, moi, ce que j'ai bien aimé, je sais pas si c'est lundi ou mardi, c'est pas Fort Boyard, mais comment ça s'appelle le... tu sais le jeu là, que vous avez fait avec Franck Dubosc? Ah ouais, sympa, ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais tu t'es couché à quelle heure, Gérard? Passe-moi, Gérard, je m'en fous. Non. Bah allez, arrête, on discute, là. Mais si, mais prends-le sur le portable. Mais pourquoi? J'ai dit non. Mais pourquoi? Pourquoi? Allez, pourquoi? Mais c'est Max qui dit pourquoi. Allez, passe-moi Gérard. Pourquoi? Passe-moi Gérard. Non. Tu pouvais éteindre ton studio. Ouais. Bah non, il veut pas. Hein. Allez, passe-le-moi. Mais fais pas ta tête de cochon. Mais Gérard, prends le. Merde, c'est Max. Ça... Mais 2 minutes. 2 minutes. Regarde, en plus, Max, il dépasse, tu vois, il est minuit. Allez. Mais allez, 5 minutes. Il a rien à faire sous la dent. Bah, t'en sais rien. C'est non. Mais tu le prends et puis vous faites la paix. Mais si, vous allez. Faites la paix. Non. Bon, allez, Gérard. Non. Mais pourquoi tu veux pas me parler? Attends, pourquoi tu veux pas me parler? Pourquoi tu veux pas lui parler? C'est mon problème à moi. Et en antenne, tu me parles? Pas dans Super ni. Non, tout seul. Non. En antenne, je te reprends en antenne là. Non. Pourquoi non? Non, parce que je sais très bien ce que tu vas faire. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, attends, une fois tu m'as fait le coup en antenne et t'avais branché un micro. Eh bah, Gérard! Non, je te dis! Écoute-moi! Quand je te reprends en antenne, t'allumes la radio derrière pour voir si tu passes à la radio avec moi. Non, je te dis. Mais tu veux, si tu mets la radio derrière toi, comme ça tu sauras si je suis à l'antenne avec toi. Non, moi je te dis, dimanche, si tu veux, je viens te voir. Je te dirai pourquoi. Dimanche, je fais plus l'émission dimanche. Ah. Eh ouais, je fais du lundi au vendredi. Bah ouais, tu sais, la semaine dernière quand même. On va pas. Demain. Hein? Demain soir, si tu veux. Non, mais tu devrais témoigner encore plus. Approche-toi du téléphone, on t'entend pas. Approche-toi. Je suis avec le Westman, je t'écoute, ça fait pas. Demain soir. Non, mais prends-le le micro. Et je te dis demain soir. Bah, il faut que je te prenne en antenne de secondes pour qu'on se mette un horaire. Ah, mais pas dans tout le monde. T'auras la radio derrière, comme ça t'écouteras la radio Walkman et tu verras que tu seras pas à l'antenne. Non, mais moi, ça sera seul à seul. Oui, bah seul à seul, quitte pas. Sandy, je t'embrasse. Ok, moi. Bisous, ciao.